إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on se retrouve en cette soirée pour continuer la lecture des hadiths mentionnés par Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans le chapitre du repentir de son célèbre livre « Les jardins des vertus ». Nous avons vu les premiers hadiths lors du dernier cours et nous en sommes aujourd'hui au troisième hadith de ce chapitre. Il a dit, rahimahullah, d'après Abu Hamza, Anas ibn Malik al-Ansari, le servant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous qui retrouverait sa monture après l'avoir perdue dans une terre désertique. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Et dans une narration rapportée par Muslim, rahimahullah, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent à lui, que l'un d'entre vous sur sa monture dans une terre désertique, et à qui celle-ci échappe, emportant avec elle sa nourriture et sa boisson. Perdant espoir de la retrouver, il finit par s'approcher d'un arbre et s'allonger à l'ombre de celui-ci, en ayant perdu tout espoir de retrouver sa monture. Pendant qu'il se trouve ainsi, la voilà, c'est-à-dire sa monture, qui se trouve debout devant lui. Il la saisit alors par son mort. Puis il dit, s'exclamant de joie, « Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il s'est trompé en raison de l'intensité de sa joie. Ce hadith immense nous est donc rapporté par Anas, radiyallahu anhu, qui était l'un des compagnons au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, la mère de Anas est venue au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Voici Anas ibn Malik, il sera à ton service. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta cela. Anas fut donc l'un des servants du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a ainsi acquis une science abondante dont nous profitons jusqu'à ce jour à l'exemple de ce hadith au sujet du repentir. Et ce hadith que nous venons de lire est une preuve explicite du rang immense et du mérite du repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous démontre que c'est une adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime cette adoration à tel point qu'il se réjouit lorsque son serviteur se repent à lui. Et pourquoi il se réjouit? Allah subhanahu wa ta'ala ne se réjouit pas parce qu'il a besoin de nous ou besoin qu'on se repente. Non, en aucun cas. Car Allah subhanahu wa ta'ala est al-ghani. Il se passe de toutes ses créatures et de l'ensemble de l'univers. Il n'a besoin ni de nos œuvres, ni de notre repentir. Lorsque tu fais des bonnes actions, c'est seulement dans ton intérêt. Lorsque tu te repens de tes péchés, c'est également seulement dans ton intérêt. Et ça, c'est important à comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin ni de tes bonnes actions, ni de ton repentir. Mais tu fais des bonnes actions et tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala de tes péchés dans ton propre intérêt, afin d'obtenir la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit du repentir de son serviteur, pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala aime pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala aime effacer les péchés. Il est al-Karim, il aime honorer ses serviteurs croyants. C'est donc pour ça qu'il se réjouit du repentir de son serviteur. Et si tu médites sur ce hadith, tu verras que c'est en réalité une heureuse annonce pour tout croyant repentant. Quelle que soit ta situation, aussi nombreux soient tes péchés, et aussi graves soient-ils, en aucun cas tu ne dois désespérer de la grâce et de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'annonce ici une bonne nouvelle. Il t'annonce qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent. Il se réjouit d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Mais pour nous faire comprendre cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple concret. Un exemple simple à s'imaginer. Celui de cet homme en voyage, sur sa monture, dans une terre désertique. Il transporte sur sa monture sa nourriture et sa boisson. Puis il perd sa monture. Il est dans une terre désertique. Il n'a plus sa monture sur laquelle se déplacer. Et il n'a plus sa nourriture et sa boisson afin de pouvoir subsister. Imagine-toi un seul instant dans cette situation. En plein milieu du désert, sans nourriture et sans boisson, et sans monture sur laquelle te déplacer. Et cet homme, après avoir cherché sa monture, il ne l'a pas trouvée à tel point de désespérer de pouvoir la retrouver. Il s'est donc allongé à l'ombre d'un arbre, attendant la mort. Une mort quasi certaine, en plein milieu du désert, sans nourriture et sans boisson et sans monture. Imagine-toi donc cette situation en train d'attendre une mort quasi certaine. Puis subitement, voilà sa monture auprès de lui, avec sa nourriture et sa boisson. Imagine donc la joie qu'il ressent à ce moment. Il n'y a pas de doute que c'est une réjouissance indescriptible. Une réjouissance d'une personne qui est semblable à celui qui retrouve la vie après la mort. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit encore plus du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent. Et ceci nous démontre le rang immense de cette adoration. Et cela nous encourage à ne pas la retarder, à ne pas nous obstiner à persister dans les péchés. Si tu as fait un faux pas, que tu as fait une erreur, aussi grave soit-elle, tu ne dois pas désespérer de la clémence et de la miséricorde de ton Seigneur. Si tu te repens, alors Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit du repentir de son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de toi. Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera son pardon et effacera ton péché. Et tu seras comme celui qui n'a pas commis ce péché. Donc ceci nous appelle tous à nous empresser vers le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et à ne pas persister dans les péchés. Également ce hadith nous prouve le grand bienfait qu'il y a à accepter le décret d'Allah et à ne pas s'indigner lors des épreuves. En effet, observez la situation de cet homme qui, bien qu'il désespéra de retrouver sa monture sur laquelle se trouvaient sa nourriture et sa boisson, ne s'est pas lamenté. Il ne s'est pas indigné, il ne s'est pas frappé le corps, il n'a pas déchiré ses vêtements. Mais il a patienté. Et il s'est allongé attendant une mort quasi certaine. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, suite à cela, lui a accordé son secours. Les gens de science ont dit que ceci démontre qu'il y a un grand bienfait pour le serviteur à se soumettre au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ne pas s'indigner, à ne pas être pris de colère et à ne pas se lamenter lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de t'éprouver par certaines difficultés. Mais fais preuve de patience et sache que si tu patientes, alors la délivrance et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala sont proches. Ils ne tarderont pas à venir. Tu dois simplement agir d'une manière qui plaît à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Enfin, il y a dans ce hadith la preuve que si l'homme prononce par erreur une parole de mécréance, alors ce dernier est excusé. En effet, regardez la parole que l'homme a dit ici. « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il n'y a pas de doute que cette parole relève de la mécréance. Mais cet homme a dit cela par erreur, en raison de l'intensité de sa joie. Il n'a pas trouvé ces mots. Il s'est trompé. Il a fait un lapsus. Il ne voulait pas dire cela, mais il voulait dire l'inverse. Il voulait dire « Oh Allah, je suis ton serviteur et tu es mon Seigneur. » Il a voulu être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui a ramené à lui sa monture. Mais il s'est trompé. Il n'a donc aucun reproche. Et il est excusé pour cette erreur. Car ce n'est pas cela qu'il voulait dire. Et il en est de même pour toute parole qui pourrait être prononcée par erreur. Si la personne n'avait pas l'intention de dire ces mots, alors elle est pardonnée. Par contre, attention, on fera la différence avec celui qui prononce une parole de mécréance pour plaisanter, par exemple, sous prétexte de faire rire les gens, se moquer de la religion, ou se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou prendre en raillerie le Coran ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Celui-ci, qui prononce ces paroles pour plaisanter, alors il n'est pas excusé. Mais on statue à son sujet en fonction du jugement qui découle des paroles qu'il a prononcées. Et les détails liés à cette question ont été traités lors de notre étude du livre « Les annulatifs de l'islam » et les cours sont enregistrés, vous pouvez y revenir. En résumé, on retient de ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le repentir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent. Et ceci nous encourage et nous motive à ne pas persister dans les péchés et à ne pas nous obstiner, mais plutôt à nous empresser de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala tant que le repentir peut encore être accepté. Et c'est sur cela que l'auteur rahimahullah ta'ala a attiré notre attention à travers les hadiths suivants. Car il y a des moments durant lesquels le repentir n'est plus accepté. Il a donc dit rahimahullah, wa an Abi Musa, عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. D'après أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a mal agi le jour, celui qui a commis un péché le jour. Et il tend sa main le jour pour que se repente celui qui a mal agi la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. » Rapporté par Muslim. Donc ce hadith nous démontre l'immensité de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde, ainsi que de sa générosité. Car Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de son serviteur, même si ce dernier tarde à se repentir. Lorsque tu fais un péché, l'obligation est de te repentir immédiatement de ce péché, de ne pas retarder le repentir, et de ne jamais repousser le repentir au lendemain. Tu dois t'empresser de te repentir. Mais s'il arrive à la personne de tarder, si quelqu'un a fait un péché le jour, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir même s'il ne se repent qu'une fois la nuit venue. L'obligation est de se repentir immédiatement et de revenir aussitôt à Allah subhanahu wa ta'ala après le péché. Mais si la personne tarde et qu'elle commet un péché la nuit et ne s'en repent que le lendemain, alors Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Et bien plus encore, Allah subhanahu wa ta'ala tend sa main pour accueillir le repentir de son serviteur croyant. Et ceci nous confirme ce que l'on vient de voir dans le hadith précédent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le repentir, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime pardonner les péchés de ses serviteurs qui se repentent. C'est pour cela qu'il tend sa main le jour et la nuit afin d'accueillir le repentir de ses serviteurs. Et ceci nous encourage une fois de plus à ne pas retarder le repentir, mais à nous empresser et à nous rappeler que nous avons un Seigneur bon, un Seigneur généreux, un Seigneur clément, un Seigneur pardonneur, un Seigneur miséricordieux et grand accueillant au repentir. Tu dois donc avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas désespérer de sa miséricorde. Si tu as fait un péché dans la journée, empresse-toi de te repentir. Mais si la nuit vient et que tu n'étais pas encore repenti, alors il n'est pas trop tard pour t'en repentir cette nuit. L'objectif est que tu reviennes à Allah subhanahu wa ta'ala d'un cœur repentant, en délaissant ce péché, en le regrettant, en ayant la ferme volonté de ne plus le commettre, et en réparant les torts causés si torts ont été causés. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à celui qui se repent. Et celui qui se repent, comme on a dit, il est comme celui qui n'a pas commis ce péché. Donc mes frères et sœurs, nous devons sans cesse avoir cela en tête, et ne pas penser que sous prétexte que l'on a commis un péché d'une gravité extrême, on ne pourrait pas se repentir, non. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, tu peux t'améliorer dès maintenant. Tu peux revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux te repentir. Tu peux te corriger et réparer tes erreurs passées. Il n'est jamais trop tard tant que tu es encore vivant. Tant que, comme on va le voir, le soleil ne se lève pas de son couchant. Donc empresse-toi avant qu'il ne soit trop tard. Et repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala et reviens à lui d'un cœur repentant, en délaissant ses péchés, en les regrettant et en ayant la ferme volonté de ne plus les commettre. Et ce hadith nous démontre aussi une question liée à la croyance et qui est que la main fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se doit d'affirmer pour Allah subhanahu wa ta'ala cet attribut tel qu'il est venu dans ce hadith et tel qu'il est venu dans le Coran, comme on le retrouve au verset 64 de Surat al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ » Les Juifs ont dit « La main d'Allah est fermée. » « غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ » Que leur propre main soit fermée. « وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا » Et maudit soit-il en raison de ce qu'ils ont dit. « بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ » Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes et il distribue ses dons comme il veut. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même l'attribut des deux mains. Nous devons donc affirmer cela pour notre Seigneur d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté, sans renier cet attribut, sans lui donner une fausse interprétation, sans chercher à décrire ses deux mains ou à s'imaginer le comment. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il avait deux mains, mais il ne nous a pas informé du comment. Et nous ne devons pas comparer ses mains aux mains des créatures. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « Laysa kamithlihi shay » « Rien n'est semblable à lui. » « Wa huwa as-sami'ul basir » Et il est celui qui entend tout et qui voit tout. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala affirme que rien n'est semblable à lui. Aucune créature n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la deuxième partie du verset, il affirme qu'il entend tout et qu'il voit tout. L'ouïe et la vue font donc partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces attributs ne doivent pas être comparés aux attributs des créatures, car rien n'est semblable à lui. Sa vue et son ouïe ne sont pas semblables à l'ouïe et la vue des créatures. Et de la même manière, ses deux mains ne sont pas semblables aux mains des créatures. Et c'est ainsi que nous devons agir concernant tous les attributs de notre Seigneur. Nous les affirmons comme Allah subhanahu wa ta'ala les a affirmés. Nous ne les renions pas, nous ne leur donnons pas un autre sens ou une fausse interprétation, nous ne les comparons pas avec nos attributs, et nous ne cherchons pas à nous imaginer le comment. Et telle est la croyance des gens de la sunnah. Enfin, pour revenir au sujet du repentir, nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir même si le serviteur tarde à se repentir. Et on a dit que l'obligation reste tout de même de s'empresser de se repentir après le péché, de ne pas le retarder, car nul ne sait quand il va mourir. Tu pourrais être surpris durant cette nuit par une mort subite, avant même d'avoir pu te repentir. Donc ne repousse pas le repentir au lendemain, mais repens-toi dès maintenant. Et tu dois toujours avoir cela en tête, toujours avoir en tête que la mort peut venir à tout moment. Et si tu te rappelles sans cesse de la mort, alors premièrement ceci t'aidera à t'écarter des péchés. Car lorsque ton âme va t'appeler à commettre un péché, tu vas te rappeler que la mort pourrait venir au moment où tu commets ce péché. Donc pose-toi la question, est-ce que tu souhaites rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans cette situation? Est-ce que si tu meurs pendant que tu fais ce péché, ceci est une bonne fin? Et la réponse est non, bien évidemment. Tu ne souhaites pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans cette situation. Donc si tu ne souhaites pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans cette situation, délaisse ce péché. Écarte-toi de ce péché, ne le commets pas. Et si malgré ça il t'arrive de faiblir, et que tu tombes tout de même dans ce péché, alors empresse-toi de te repentir et ne repousse pas le repentir au lendemain. Car tu ne sais pas si lendemain il y aura pour toi. Tu ne sais pas quel sera le moment où la mort te viendra. Et lorsque tu quitteras ce bas monde, donc empresse-toi. Et garde toujours cela en tête. Et ceci t'aidera à délaisser les péchés et à t'en repentir. Également, on voit à travers ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne cessera d'accueillir le repentir de ses serviteurs qui se repentent jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Une fois que le soleil se lèvera de son couchant, il n'y aura plus de repentir. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a insisté sur cette question en mentionnant un autre hadith en ce sens et il a dit « وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se repent avant que le soleil se lève de son couchant, Allah accepte son repentir, rapporté par Muslim. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne cessera d'accepter le repentir de ses serviteurs jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Une fois que le soleil se lèvera de son couchant, alors il n'y aura plus de repentir. Car ceci fait partie des signes majeurs de la venue de l'heure. Le soleil, comme vous le savez, il se lève chaque jour à l'est et il se couche à l'ouest. Mais viendra un jour où il se lèvera de son couchant et se lèvera à l'ouest, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui aura ordonné. Et lorsque les gens verront le soleil se lever de son couchant, ils croiront tous et auront tous la foi. L'ensemble des mécréants parmi les juifs, les chrétiens, les polythéistes et autres, tous auront la foi à ce moment-là. Mais celui qui n'a pas eu la foi avant cela, alors sa foi ne lui sera d'aucune utilité une fois ce signe apparu. Et également tous les pécheurs se repentront. Mais celui qui ne s'est pas repenti avant que le soleil se lève de son couchant, alors son repentir ne sera pas accepté. Donc ceci est également un encouragement à ne pas retarder le repentir, car on ne sait pas à quel moment ceci arrivera. Il faut donc nous empresser de nous repentir tant que le repentir peut encore être accepté. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, de mentionner un autre hadith, nous démontrant qu'il y a un autre moment durant lequel le repentir ne sera plus accepté et qui concerne chacun d'entre nous, de manière individuelle. Il a dit, rahimahullah, « Wa anabi abdurrahman, abdillah ibn Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma. » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن. D'après Abi عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: certes Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'agonise pas, c'est-à-dire tant que son âme ne sort pas de son corps. Lorsqu'elle atteint le gosier, c'est le moment de l'agonie. À ce moment-là, il n'y a plus de repentir. Et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, qui a dit que c'est un hadith hasan, un hadith bon. On voit donc dans ce hadith qu'au moment de l'agonie, lorsque l'âme s'apprête à sortir du corps de la personne, qu'elle atteint son gosier, qu'elle atteint sa gorge, alors à ce moment-là, il n'y a plus de repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, verset 18 de Surat An-Nisa, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Mais le repentir n'est pas pour ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie « Certes, je me repens maintenant ». Une fois que l'âme s'apprête à sortir du corps, c'est trop tard. Tu ne pourras plus te repentir. Mais si tu souhaites te repentir, tu dois t'empresser dès maintenant. Ne pas persister dans les péchés, ne pas t'obstiner. Ne pas penser que tu vivras éternellement. Nombreux sont ceux à avoir de faux espoirs. Ils ont des projets lointains. Ils pensent qu'ils vont vivre encore des dizaines d'années sur terre, alors que peut-être leur vie va s'arrêter dès ce soir. Tous tes projets que tu as en tête, peut-être ce soir ou demain, ils seront terminés. Ton voyage ici-bas sera terminé et il prendra fin. Et au moment où je te parle, tu es encore vivant. Tu as encore l'occasion et l'opportunité de prendre tes provisions, de multiplier les œuvres de bien, et également de te repentir pour tes péchés que tu as commis. Si tu as eu certains manquements vis-à-vis des obligations, que tu délaisses certaines choses qui sont obligatoires pour toi, empresse-toi de les accomplir. Ne dis pas « j'attends demain » ou « j'attends le mois de Ramadan » ou « j'attends d'être marié » ou « j'attends d'avoir tel âge » ou je ne sais quoi pour me repentir à Allah. Non. Repens-toi dès maintenant. Ces objectifs que tu penses pouvoir atteindre, peut-être que tu ne les atteindras pas. Si tu attends demain, peut-être que demain tu ne seras pas vivant. Si tu attends le Ramadan, tu ne sais même pas si tu seras encore vivant durant le mois de Ramadan. Donc repens-toi dès maintenant et accomplis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné parmi les obligations. À commencer par le tawhid en lui vouant un culte exclusif, l'accomplissement de la prière, l'assiduité aux 5 prières obligatoires en leur temps, en ne les faisant jamais sortir de leur temps sans excuse légiférée. L'acquittement de la zakat obligatoire, combien sont ceux à délaisser cette zakat? Empresse-toi de la sortir dès maintenant, ne repousse pas le repentir à plus tard. Et ainsi de suite parmi les obligations, la bonté envers les parents, l'éducation des enfants, la hijra, l'émigration, et ainsi de suite. Tu ne sais pas quand la mort viendra, empresse-toi. Et de la même manière pour les péchés que tu as commis, quels qu'ils soient, Repens-toi Allah subhanahu wa ta'ala et cesse ces péchés dès maintenant. Repens-toi Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère, en ayant des remords pour ton passé. Et aie dans ton cœur la ferme volonté et prends la résolution de ne plus commettre ces péchés dès maintenant. Et ne dors pas ce soir sans t'être repenti, car peut-être que tu ne vas pas te réveiller. Rappelle-toi bien de cela. Et ceci est un rappel pour moi-même en priorité, car nous sommes tous concernés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister, de nous guider vers les œuvres de bien, de nous aider à délaisser les péchés, à nous repentir, et d'accepter notre repentir. Ceci était donc quelques bénéfices tirés de ces hadiths, et on continuera la lecture des autres hadiths dans les cours prochains, inshallah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا